Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 27 avril 2017. Voici les grands titres de cette édition. Le vice-président du Conseil national de la communication trouve que le rapport de Reporters sans frontières classant le Burundi à la 160e place sur les 180 pays du monde n'est pas réaliste parce que cet organe n'a pas été consulté. Le Burundi vient de bénéficier d'un financement à hauteur de 50 millions de dollars de la part de la Banque mondiale pour appuyer le système de santé à travers un nouveau projet dénommé KIRA qui démarre en juillet prochain sur une période de 4 ans. L'accord de ce don a été approuvé ce matin par le Sénat. Un homme a été tué chez lui sur la colline Mugendo en zone Magara de la province Rumonge pour soupçon de sorcellerie. Notre correspondant nous en donnera les détails. Et un nouveau projet de compétitivité du secteur café a été lancé ce mercredi en province Muyinga avec pour objectif la multiplication par deux de la production actuelle d'ici 5 ans. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Le Kenya vient de demander que le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, qui était prévu le 10 mai, soit reporté au 20 mai prochain. L'un des points à l'ordre du jour sera le dialogue inter-burundais sous l'égide du facilitateur Benjamin Mkapa. Nous ne savons pas jusqu'ici la motivation de cette demande. Le Conseil national de la communication CNC dit n'avoir pas été consulté par Reporters sans frontières dans son rapport plaçant le Burundi à la 160e position parmi les 180 pays en matière de liberté de la presse. Le vice-président du CNC dit que cette organisation s'est penchée seulement sur les événements de l'année 2015 qui ne donnent pas une bonne image du Burundi. Gabriel Wihomugani déclare que ce conseil use des moyens dont il dispose pour préserver la liberté de la presse, donnant l'exemple de son action face à la disparition du journaliste Jean Wigirimana. Suivez Gabriel Wihomugani, c'est le vice-président du CNC. Il est au micro d'Alain Désiré au KNZ. D'après ce qui se passe, le Reporters sans frontières n'a pas été épargné en faisant ce rapport par rapport aux autres rapports qui ont été donnés sur le Burundi. Pour dire que ce qui a été fait depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, surtout en ce qui concerne les fausses informations qui ont été données sur le Burundi, ont fait que le Burundi est mal connu au niveau de l'extérieur. Parce que, sauf ce cadeau Jean Bigirimana, je pense que les journalistes ne sont pas maltraités au Burundi. S'il y a des radios qui ont été détruites et fermées, et d'autres journalistes qui sont en exil, mais également quelquefois des journalistes qui comparaissent en justice, n'est-ce pas que ce sont ces raisons qui poussent aux Reporters sans frontières à placer le Burundi à cette place? Je vous dirais qu'au monde entier, le Burundi ne peut pas s'isoler. Il doit être un pays membre de l'ONU, comme les autres pays. Et puis, c'est un pays souverain qui est gouverné suivant la loi. En principe, si le Reporters sans frontières base son rapport sur les journalistes uniquement, ce n'est pas à dire que ce sont des journalistes qui sont interpellés au niveau de la justice ou au niveau de la police. Qu'est-ce que le Conseil national de la communication fait pour que la liberté de la presse ne continue pas à régresser au Burundi? Me basant sur le cas de Jean Bigirimana, le Conseil national de la communication a fait ses efforts en faisant secours dès les premières heures de la disparition de Jean Bigirimana, mais en vain. Le Conseil national de la communication fait de son mieux pour que la liberté de la presse au Burundi soit garantie. Et si le Reporter sans frontières place le Burundi à la 160e place dans 180 pays enquêtés, quelle place le CNC pourrait donner au Burundi? En tant que Conseil national de la communication, il est difficile de donner une position quelconque sans avoir des critères concrets. Il nous faut ces critères pour que nous puissions nous prononcer, sinon nous allons mentir. Voilà, c'était le vice-président du Conseil national de la communication et il s'appelle Gabriel Wihomugani. Il répondait aux questions d'Alain Désiré Boukayenèze. Je vous l'avais dit, le Sénat burundais vient d'approuver un accord de don de 50 millions de dollars américains de la part de la Banque mondiale pour appuyer le secteur de la santé. Ce don réparti en trois composantes, à savoir la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans à hauteur de 40,60 millions de dollars américains. Le nouveau projet dénommé KIRA, seconde génération, démarre au mois de juillet cette année et se clôture en 2021. Entre autres inquiétudes des membres de la commission santé à la chambre haute du Parlement, c'est le paiement des arriérés sur la gratuité des soins. Suivez tour à tour Gérard Ngaonziza, c'est le président de cette commission, ainsi que la réponse donnée par la ministre de la Santé. D'après les informations qui nous sont parvenues, les formations sanitaires enregistrent toujours beaucoup d'arriérés à cause de la politique de gratuité des soins de santé, quand bien même l'État fait son effort de remboursement. Ne trouvez-vous pas que ce don risque d'être utilisé pour rembourser ses dettes au lieu de servir aux objectifs définis dans son projet de ratification? Comme réponse, les arriérés s'élèvent à 6 milliards de francs et seront payés par le budget 2017 du gouvernement du Burundi. Ce projet ne va donc pas financer le paiement des arriérés. Les fonds seront utilisés conformément au contenu d'accord de dons. Le sénateur Ngaonziza a également soulevé la question de l'épidémie du paludisme. Si ce n'est pas plutôt un échec dans tel don de première génération, la réponse de la ministre de la Santé est non. Ces derniers jours, vous avez déclaré l'épidémie du paludisme dans certaines provinces du pays. La question A, serait-il un échec de ce système première génération dans ces localités? Comme réponse apportée sur question A, il a dit que c'est non. L'épidémie de paludisme n'est nullement un signe d'échec du financement basé sur la performance. Cette approche a plutôt permis aux structures locales de faire face à cette flambée. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le taux de croissance du Burundi n'a cessé de dégringoler durant ces deux dernières années de crise, passant de 4,7% à 0,5%. Pour Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, les décideurs devraient s'attaquer aux vraies questions comme la pauvreté pour développer le pays et s'impliquer davantage pour la résolution de la crise que traverse le Burundi. Suivez Gabriel Rufyiri, président de l'OLICOM. Nous déplorons la situation qui prévaut ici dans notre pays où la pauvreté malheureusement continue à menacer les citoyens burundais à titre illustratif. Le taux de croissance économique qui était à 4,7% du PIB, aujourd'hui, il est à la hauteur de 0,5%. Vous comprendrez qu'il y a un problème très sérieux à ce niveau. Ce n'est pas l'ORICOM qui dit ça, ce sont des institutions internationales qui classent le Burundi parmi les deux premiers pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, nous attendons dans la bouche des politiciens que tout va bien, mais pour nous, nous disons que ce que nous avons besoin en tant que citoyens, ce ne sont pas des slogans politiques, ce sont des actes concrets. C'est la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités sociales. Il faut que vraiment les politiciens s'impliquent davantage pour que cette crise politique qui freine toutes les activités économiques soit vraiment traitée et trouve des solutions dans les meilleurs délais. Tout discours qui ne traite pas les préoccupations des citoyens, ce sont des discours qui n'avancent personne, sauf ceux qui sont en train de chercher leurs propres intérêts, malheureusement au détriment de la population burundaise. Gabriel Rufyiri, c'est le président de l'OLICOM. Salvatore Arindavi de la colline Mugendo à Magara de la commune Bugarama dans la province Rumonge a été tué chez lui la nuit de ce mercredi. La police soupçonne la sorcellerie comme étant à l'origine de ce meurtre et dit s'activer pour arrêter les auteurs qui se sont enfouis juste après le forfait. Les détails avec notre correspondant Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de la famille de Salvatore Arindavi, confirmées par la police à Rumonge, indiquent que cet homme a été tué dans son salon alors qu'il dînait vers 20h30 de ce mercredi. Ces sources indiquent que deux hommes à long manteau noir et en lunettes fumées ont fait irruption dans son salon et lui ont administré des coups de machette à la tête et un coup de poignard dans la colonne vertébrale et se sont volatilisés dans la nature. Après avoir constaté que cet homme était mort, sa femme et ses enfants dans la panique, selon certains habitants de Mugendo, les militaires et les policiers sont intervenus sans pour autant attraper les malfaiteurs que la police tente toujours de retrouver et les traduire en justice, les accusant d'avoir tué cet homme pour sorcellerie. Joachim Manirakiza, administrateur communal de Bugarama, dénonce cette barbarie humaine et appelle sa population à rompre avec la justice populaire punie par la loi burundaise. Il conseille plutôt à ceux qui ont des différends de se confier aux instances habilitées et éviter ainsi des heures inutiles dans des conflits qui pouvaient trouver solution pacifiquement. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Le gouvernement suit de près la question des chimpanzés, des gorilles pardon, burundaises qui ont été exilés au Kenya dans les années 96-97 suite à l'insécurité qui régnait en ces temps en vue de voir comment les rapatrier. La ministre burundaise du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Pelate Niyonkuru, l'a dit ce jeudi lors d'une conférence de presse sur la participation du Burundi à la Foire internationale du tourisme de Moscou en Russie. C'était en mars dernier. Mais pour elle, le rapatriement de ces gorilles suit des conventions qu'il faut respecter. Suivez la ministre Pelate Niyonkuru. Ce que je peux dire pour ces gorilles qui ont été déplacés, c'est-à-dire que le gouvernement n'a jamais oublié que ces gorilles font partie du patrimoine économique du Burundi. C'est pour cette raison que dans toutes les réunions que nous faisons avec le pays qui détient ces gorilles, nous discutons en rapport avec ces gorilles et nous consultons les textes pour voir le cadre légal dans lequel on peut rapatrier ces gorilles parce que ces gorilles sont pour le moment vieilles, les œufs sont morts. C'est pour cette raison que nous entamons les procédures pour pouvoir rapatrier les enfants de ces gorilles parce qu'on ne peut pas donc avoir, je peux dire, les parents. C'est pour cette raison qu'actuellement, on doit consulter le cadre légal et re-signer des accords pour pouvoir ce que nous pouvons faire pour pouvoir rapatrier ces gorilles. Pelate Niyonkuru, c'est la ministre burundaise du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. En sortant d'Ayiragije Vianney a été arrêté ce lundi sur la colline Mugano de la commune Buraza dans la province de Gitega. L'administrateur communal indique que cet homme fait partie d'un groupe de bandits armés et qu'une arme a été saisie chez lui. Il demande à la population d'être vigilante pour démanteler ce groupe de malfaiteurs. Les détails avec notre correspondant à Gitega, Arthur Kavarouchi. Selon l'administrateur de la commune Buraza Rutozi Didas, Ndayiragije Vianney a été arrêté ce lundi sur la colline Mugano alors qu'il était en train d'être recherché ainsi que six autres avec qui ils sont ensemble dans un groupe de bandits qui utilisent des armes à feu. Cet administrateur communal indiquait qu'il y a une semaine que ce groupe de bandits a été appréhendé après avoir volé cette vache en utilisant une arme mais que seule une personne a été arrêtée. L'administrateur communal de Buraza indique que le 14 avril 2017, Vianney Ndayiragije a été vu dans un bistrot du quartier Chatania de la ville de Gitega où il voulait violer une fille qui travaillait, mais en vain, et qu'il a pris fuite. Cependant, cet administrateur indique qu'après son arrestation ce lundi, il a continué à nier qu'il n'a pas d'armes jusque ce mercredi où il a fini par amener la police chez lui pour leur montrer où il avait caché son arme. Il a alors été conduit sans tarder à la police judiciaire de Gitega où son dossier est en train d'être instruit. L'administrateur de la commune Buraza demande à la population d'être vigilante en collaborant avec l'administration et la police pour démanteler ce groupe. Parmi les 7 membres de ce groupe, 2 ont été déjà arrêtés. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Et le ministère public a requis 30 ans d'emprisonnement et une amende de 200 000 francs burundais contre un ancien militaire du nom de Dieudonné Kwizera. Cet homme qui a comparu ce mercredi en audience publique au tribunal de grande instance de Muyinga est accusé d'avoir prêté son véhicule à un des membres du groupe armé qui a tenté d'attaquer le camp Mukoni dans la nuit du 23 janvier cette année. L'inculpé, arrêté il y a 3 semaines, reconnaît avoir prêté son véhicule à un militaire du camp Mukoni, déjà condamné dans cette même affaire, mais affirme qu'il ignorait ce que ce militaire allait faire de son véhicule. L'affaire a été mise en délibéré et le verdict est attendu d'ici le 5 mai prochain. On reste à Muyinga pour vous dire qu'un nouveau projet de compétitivité du secteur café a été lancé ce mercredi avec pour objectif de multiplier par 2 la production actuelle d'ici 5 ans. Les caféiculteurs invités à redoubler d'efforts dans l'entretien de cette culture réclament à leur tour la revue à la hausse des prix. Correspondance de Dieudonné, Seyman. Sur la colline d'Okiremba, commune Gasogwe, des cadres du secteur café, des administratifs et caféiculteurs se sont donné rendez-vous ce mercredi dans une plantation d'eau café. là, la population a appris à appliquer l'engrais chimique sur le café. Après, c'était le tour des explications sur les composantes du nouveau projet de compétitivité du café. Évariste Ngaïmoré, chef de l'unité de coordination au niveau national, a indiqué que des engrais, des produits phytosanitaires seront subventionnés. Ceux qui sont lancés dans la plantation du café afin de remplacer les vieux plants auront en contrepartie des semences de culture de leur choix. D'ici 5 ans, il faut accroître le rendement de 0,8 kg par pied à 1,6 kg et au niveau national de 15 000 tonnes à 30 000 tonnes. Dépendre encore les patois engagés de cette culture de rente seront particulièrement appuyés d'après ce responsable. Certains des caféiculteurs attendent plutôt la hausse du prix du café en considérant son coût de production. Sans cette approche, il sera pas en droit de laisser au profit des cultures vivrières. Et pour Jean-Bericman Simaban, conseiller principal du gouverneur de la province Muyinga, les cultivateurs doivent comprendre que non seulement le café source de revenus pour les ménages, mais aussi procure des devises au pays. Une enveloppe globale de plus de 70 millions de dollars américains, dont 55 de la part de la Banque mondiale, est réservée à ce projet. Et 6 provinces, avec le plus de café, sont concernées. Dieudonné Nzeyimana de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. C'est sur cette correspondance que nous refermons ce journal en vous rappelant que le vice-président du Conseil national de la communication trouve que le rapport de Reporters sans frontières classant le Burundi à la 160e place sur les 180 pays du monde n'est pas réaliste en matière de liberté de la presse parce que cet organe n'a pas été consulté. Et le Burundi vient de bénéficier d'un financement à hauteur de 50 millions de dollars de la part de la Banque mondiale pour appuyer le système de santé à travers un nouveau projet dénommé KIRA qui démarre en juillet prochain sur une période de 4 ans. L'accord de ce don a été approuvé ce matin par le Sénat. Et un homme a été tué chez lui sur la colline Mugendo en zone Magara de la province Rumonge pour soupçon de sorcellerie. Et un nouveau projet de compétitivité du secteur café a été lancé ce mercredi en province Muyinga avec pour objectif la multiplication par deux de la production actuelle d'ici 5 ans. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nduimana, un bon après-midi.